Chapitre sixième. Précédant Sonia Argoulian, M. Xavier sortit de l'atelier, traversa le vestibule et ouvrit une porte de bois placée sous l'escalier qui donnait sur la descente de la cave. Un commutateur qu'il tourna fit s'irradier l'ampoule électrique fixée à la voûte. « Les marches sont glissantes, prenez garde, » murmura-t-il en se tournant vers la jeune fille. Sonia s'inclina sans répondre. Elle descendit. L'escalier en pierre profond d'une vingtaine de marches aboutissait à une cave dans laquelle des celliers avaient été constitués à l'aide de cloisons de briques. Des portes de chêne solides les fermaient. Monsieur Xavier en ouvrit une. Sonia ne put s'empêcher de frissonner. Le cellier avait été aménagé en chambre à coucher. Un lit de fer, un guéridon, une table et un escabeau le meublaient. Sur le sol, une cruche. Étendu sur le lit, monsieur Argoulian sommeillait ou faisait semblant. « Voici, mademoiselle, votre fille, » fit monsieur Xavier d'une voix calme. Le négociant en pierreries se redressa comme frappé par une décharge électrique. « Mon père !» s'exclama Sonia en s'élançant vers lui. Il se laissa glisser sur le sol. Sa fille tomba dans ses bras. Monsieur Xavier discrètement s'était reculé. Appuyé à la porte, immobile, il observait. « Ce misérable t'a enlevé, toi aussi, » maugréa monsieur Argoulian, après avoir longuement embrassé sa fille. « Oh, mon père, j'ai été arrêté, et M. Xavier m'a fait évader de la prison et conduire ici. Je suis libre. »« Libre ? Tout cela, c'est une habile comédie pour essayer de connaître nos secrets, mais je n'en serai pas du tout. »« C'est lui qui t'a fait arrêter pour pouvoir feindre de te délivrer, afin de capter ta confiance et la nôtre. J'espère au moins que tu n'as pas bavardé. » Sonia, très pâle, recula d'un pas. « Monsieur Xavier n'avait pas besoin que je lui fasse des confidences, » dit-elle. « Il en sait plus que moi. Et si j'ai été arrêtée, c'est parce que l'on a découvert à Enghien le squelette de Monsieur Autodrôle dans notre cabinet d'anatomie. »« D'abord, ce n'est pas le squelette d'Autodrôle. C'est un squelette que j'ai acheté par morceaux à un antiquaire. Pour le surplus, si tu ne le sais pas, je t'apprends que j'ai eu des démêlés avec l'individu qui est venu à la villa et que sans l'intervention de ce misérable qui est ici, j'aurais réglé son compte à ce policier de malheur. Ce Xavier, comme tu l'appelles, a tendu je ne sais quel guet-apens à Vacariades et s'est arrangé pour que nous le prenions pour lui. Il nous a ainsi surpris et assommés. Et il nous a enfermés ici. La porte de ce cellier est électrisée. Je veux dire qu'un courant électrique la parcourt. Ainsi toute fuite est impossible. Voilà notre sort. Et tu te figures qu'un homme qui a ainsi agi envers nous, envers ton fiancé et moi, car M. Piebald est ici aussi, oui, qu'un homme capable d'une pareille fourberie t'aurait délivré ? Oh, laisse-moi rire, ma fille. En tout cas, méfie-toi, voilà tout ce que j'ai à te dire. » Monsieur Argoulian soupira, un soupir de rage et d'ironie. Sonia, interdite, regarda successivement son père et Monsieur Xavier. Ce dernier n'avait toujours pas bougé. Son visage exprimait une parfaite indifférence. « Je vais m'éloigner, mademoiselle, » observa-t-il. « Votre père peut avoir à vous parler confidentiellement. »« Oh, je n'ai rien d'autre à dire, sinon que vous êtes un infect bandit, » maugréa M. Argoulian. « C'est une opinion, » fit M. Xavier, « mais je ne vous la demandais pas. »« Je suis assez pressé, mademoiselle, » ajouta-t-il, après avoir consulté son chronomètre en or tiré de la poche de son gilet. « Je vais être obligé dans une dizaine de minutes de vous prier de remonter avec moi. » « Je vous remercie, monsieur, » murmura Sonia, interloquée. Elle s'approcha un peu plus du négociant en pierrerie et souffla. « Que dois-je faire, mon père ?»« D'abord partir d'ici. » « Mais naturellement, elle ne le laissera pas. »« Si, mon père, monsieur Xavier m'a offert de me renvoyer, et avec de l'argent et des papiers. »« Ah ! Après tout, il a son idée. »« Il te fera filer, suivre. »« Il veut se renseigner, cet homme. »« Ah, je le devine. Il a son plan. » « C'est pour cela qu'il a déjà supprimé Vacariades. Il compte nous faire subir le même sort. Et s'il ne nous a pas encore assassinés, c'est qu'il espère nous soutirer des renseignements. Ce sont les... Il suffit, je m'entends. » « Vous avez tort, monsieur Argoulian, d'être aussi discret. Je ne l'ai pas été autant que vous. Mademoiselle Argoulian sait que vous et monsieur Piebald, pour ne citer que vous deux, avez travaillé pour vous rendre maître des perles de Karl Jacobsen. Elle sait également que j'ambitionne de m'emparer de ces perles. Les grands esprits se rencontrent, dit-on. C'en est une preuve de plus. Quant aux renseignements que je pourrais vous soutirer, ils ne vaudront jamais ceux des papiers que j'ai recueillis. Et M. Xavier, souriant, plaça devant le nez du négociant en pierreries la feuille jaune ornée de hiéroglyphes entre lesquels courait l'écriture rouge. M. Ergoulian pâlit, et pendant quelques secondes resta interloqué. Quel est le traître? Murmura-t-il enfin d'une voix sourde. Pas de traître, inutile. J'ai trouvé tout seul, monsieur Ergoulian. Vous voilà convaincu, je pense. Donc pas besoin de mademoiselle pour me renseigner. Pour le surplus, si vous avez encore à lui parler, faites-le. Je suis pressé, et il faut une fin à tout. Monsieur Ergoulian haussa les épaules. Je ne peux rien te conseiller, ma fille, dit-il enfin. Fais ce que tu voudras. Mais n'oublie pas que cet individu est l'auteur de notre ruine. Et que M. Piébald est votre bienfaiteur, fit M. Xavier en s'inclinant. Argoulian ne répondit pas. Au revoir, mon père. Je vais rester ici, murmura Sonia. Le négociant en pierreries ne répondit pas et se borna à presser sa fille contre sa poitrine. Sonia se redressa lentement. Son beau visage baigné de larmes, elle sortit du cellier. Monsieur Xavier referma soigneusement la porte de chêne et, précédant la jeune fille, remonta au rez-de-chaussée. « Je ne vous amène pas, monsieur Piébald, dit-il. Il est dans la seconde cave, mais si vous le désirez... » De la tête, Sonia fit un geste négatif. Tous deux regagnèrent l'atelier. « Vous êtes ici chez vous, mademoiselle, déclara monsieur Xavier. Antonia a ordre de vous obéir en tout. Je vous conseillerai seulement de ne pas vous montrer dans le jardin. » Je vais m'absenter pour 2 ou 3 jours, je pense. Pendant ce temps, vous ne pourrez ni sortir, par prudence, ni voir votre père, mais il sera bien traité. J'espère aboutir bientôt. Nous déciderons alors ce que nous ferons. Mais soyez bien certaine, mademoiselle, que je suis capable de faire quoi que ce soit pouvant vous faire de la peine. Je le sais, monsieur, fit la jeune fille d'une voix grave. Comme monsieur Xavier la regardait, elle détourna les yeux. « Je vais faire mes préparatifs, mademoiselle. Je ne vous reverrai donc plus avant mon retour. Je vous répète que vous êtes ici chez vous. Voulez-vous me permettre de vous serrer la main ?» En silence, Sonia tendit sa main droite. Monsieur Xavier la prit doucement et en baisa les doigts. Puis se redressant, il marcha vers la porte et disparut. La jeune fille immobile resta pendant quelques instants songeuse. Elle se laissa tomber sur une chaise et de grosses larmes coulèrent de ses yeux. L'apparition de la négresse la fit tressaillir. Antonia, par signe, lui fit comprendre de la suivre. Elle obéit instinctivement et, derrière la servante noire, passa dans une petite salle à manger, meublée élégamment, où un couvert était mis, le sien. Mais elle n'avait pas faim, seulement une soif ardente. Elle but coup sur coup 2 grands verres d'eau et, malgré les muettes protestations de la négresse, gagna la chambre à coucher qui avait été mise à sa disposition et se coucha. Malgré sa fatigue, elle resta éveillée. Elle ne savait plus que penser. Instinctivement, elle avait foi en son sauveur, mais les paroles haineuses de son père l'avaient fortement impressionnée. Après tout ce qu'elle avait vu, après toutes les machinations dont elle avait été le témoin impuissant, elle avait tendance à douter de tout. Si pourtant son père avait dit vrai, si ce monsieur Xavier était un maître fourbe, un simple auxiliaire de la police, la facilité avec laquelle elle s'était évadée de Saint-Lazare donnait une certaine force à ce soupçon. Pourtant, M. Xavier l'avait regardée droit dans les yeux, un regard d'honnête homme. Que croire et que faire? S'en aller? Où? La police devait la rechercher, et avoir transmis partout son signalement, elle n'irait pas loin. Et son père? Et Piébald? Et que se passerait-il quand M. Xavier reviendrait? Il avait eu confiance en elle, lui. Pendant toute la nuit, ses pensées tourbillonnèrent dans la cervelle en feu de la malheureuse. Ce ne fut qu'au matin que, vaincue par la fatigue, elle s'assoupit un peu. Vers 9 heures, elle se réveilla, et aussitôt la notion de l'affreuse réalité lui revint. Elle s'habilla et descendit dans l'atelier, où Antonia, qui devait la guetter, lui apporta une tasse de chocolat et des tartines de pain grillé. À travers les vitraux d'une des fenêtres, elle aperçut, errant dans le jardinet, 2 énormes molosses dont l'aspect la fit légèrement sursauter. Elle déjeuna sans appétit et, ne sachant que faire, alla prendre un roman dans la bibliothèque, mais elle n'avait guère l'esprit à lire. L'atelier, sur un des côtés, donnait sur une cour intérieure, transformée en jardin d'hiver, et dont le sol, pavé de mosaïques, était agrémenté d'un petit bassin de marbre où coulait un jet d'eau. Une toiture de verre bleuâtre y tamisait doucement les rayons du soleil. Quelques plantes vertes, palmiers et urucaria géants dissimulaient les murailles. Sonia se laissa tomber dans un des fauteuils de rotin qui garnissait la pièce et, alanguie, se sentit envahie par une douce somnolence. Elle dura peu. La jeune fille se redressa. À quelques mètres d'elle, presque enfouie parmi les plantes vertes, elle aperçut un vieux piano qui devait servir, lorsque M. Xavier donnait des soirées, à faire danser les invités. Machinalement, Sonia alla s'y asseoir. Ses doigts caressèrent le clavier et y modulèrent une vieille chanson arménienne que murmurait sa mère quand elle était petite. Des larmes lui vinrent aux yeux. Elle referma le piano et pendant quelques minutes resta immobile à songer. Un bruit léger, presque à ses pieds, la fit soudain tressaillir. Elle se redressa, regarda autour d'elle et ne vit rien. Elle était bien seule. Pourtant, elle avait bien entendu. De nouveau, ses regards firent le tour de la pièce. Rien. Si, presque sous le piano, une boulette de papier gris se distinguait sur la blancheur de la mosaïque. Sans savoir pourquoi, Sonia se baissa et la ramassa. Elle défroissa le papier et y distingua quelques lignes tracées au crayon. Un violent haut de corps la secoua.